imaginer des petits hommes verts qui viendraient sur la terre. Imaginer des ovnis qui deviendraient nos amis. Ils enlèveraient la maîtresse, les maths et les devoirs, les leçons de politesse, les punitions, les livres d'histoire. Ils feraient disparaître l'école, toute la journée ce serait récré. Plus de cahiers, de tubes de colle, je ferais du vélo toute la journée. Des petits hommes verts qui viendraient sur la terre. Imaginez des ovnis qui deviendraient nos amis. Ils supprimeraient la cantine, les épinards, les salsifis. Plus dans les cuisines, ni soupe, ni brocoli, yeah. Et on mangerait plus que des gâteaux avec du coulis de chocolat. Fini les grands verres d'eau et vive le Coca-Cola. Des petits hommes verts qui viendraient sur la terre. Imaginez des ovnis qui deviendraient nos amis. Plus de dentistes, plus de caries, plus de médecins, plus de maladies, plus de piqûres, aïe, plus de lacets sur mes chaussures, plus de pulls, ni de soupules, plus de bonnets ridicules, plus de brosses qui tirent les cheveux, et je pourrais faire tout ce que je veux. Imaginez des petits hommes verts qui viendraient sur la terre. Imaginez des ovnis qui deviendraient nos amis. Imaginez des petits hommes verts qui viendraient sur la terre. Imaginez des ovnis qui deviendraient nos amis. Imaginez des petits hommes verts qui viendraient sur la terre. Imaginez des ovnis qui deviendraient nos amis. Imaginez des petits hommes verts viendrait sur la terre.